Don Bosco Nduimana. Merci de nous retrouver sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 3 sont à l'arrêt à cause d'une incompréhension entre le gouvernement, entre le groupement Sogeas Atom et le gouvernement. Vous entendrez les explications du directeur général de l'agence routière du Burundi. Alors que 300 000 victimes du changement climatique au Burundi ont besoin d'une aide humanitaire, le professeur Bernard Sindayebura, expert en aménagement du territoire et environnementaliste, suggère au gouvernement du Burundi de déclarer l'état d'urgence. Après l'incarcération de la journaliste burundaise Sandra Muhoza, des confrères s'inquiètent et réclament sa libération. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Plus de 300 000 personnes vivant au Burundi et victimes du changement climatique ont besoin d'une aide humanitaire. Cela ressort d'un communiqué conjoint du ministère de l'Intérieur et du système des Nations Unies de ce mardi. Le gouvernement du Burundi appelle ses partenaires à appuyer le pays dans la gestion des risques et catastrophes. Ce communiqué montre que le Burundi fait partie des 20 pays au monde les plus vulnérables et que d'après les prévisions météo, les précipitations attendues jusqu'en mai 2024 seraient au-dessus de la normale. En réaction, le professeur Bernard Sindayebura, expert en aménagement du territoire et environnementaliste, suggère au gouvernement du Burundi de profiter de cette occasion pour déclarer l'état d'urgence et de demander la tenue d'une réunion internationale des experts en environnement. Cette rencontre devrait dégager des actions concrètes à mener, à commencer par des statistiques autour des dégâts localement occasionnés par ce phénomène El Niño. Pour lui, les experts burundais doivent aussi rester vigilants pour veiller à la protection de la population et des infrastructures d'intérêt public. Suivez plutôt le professeur Bernard Sindayihebura au micro de Placide Niyomwungere. Si on analyse ce qu'on appelle l'échelle de gravité, qui tient compte des dommages matériels et humains qui ont été observés depuis 2021, donc c'est vraiment tard. Il faut maintenant déclarer, l'État devait décréter la situation d'urgence. Et je remercie aussi également le ministère de l'Intérieur qui a pris l'initiative, conjointement avec le système des Nations Unies, avec les éléments que j'ai vus dans le communiqué. Je pense que c'est vraiment déjà un pas. Mais ailleurs, c'est l'État qui doit décréter cet état d'urgence. Par ce communiqué, n'est-ce pas ? Une déclaration d'urgence. En fait, il faut le décréter publiquement, le dire. Et dans ce cas-là, tous les pays du monde vont venir. Et d'ailleurs, entre le 21 et le 21, je ne me rappelle pas exactement de la date, lorsque l'acte Tanganyika avait monté en 1964, tous les spécialistes du monde, tous les scientifiques, les bailleurs de fonds se sont rencontrés à Bujumbura pendant cette date pour secourir donc la région de Bujumbura. Est-ce qu'il y aurait, après ce communiqué, des actions concrètes qui devraient être engagées dans les gens? J'ai lu dans le message, effectivement, qu'il y a un plan de réponse. En général, actuellement, il faut que les spécialistes, donc au niveau national, puissent maintenant identifier tous les biens et tous les biens qui ont été impactés. Et ce sont ces informations qui aideront lorsque les bailleurs de fonds vont venir à assister donc les sinistres. On aimerait aussi également que les spécialistes du monde puissent venir aussi également pour assister à des déprimés, parce qu'il y a des gens qui ont déprimé, qui ont perdu les bâtiments, les biens, les espaces agricoles. Mais il est vraiment urgent et nécessaire que les spécialistes burundais des ministères sectoriels puissent à chaque jour faire un suivi au quotidien. À titre d'exemple, à l'aéroport de Bujumbura, on a construit la digue. Une fois lorsque la digue donc, va céder, donc l'aéroport pourrait être inondé. C'est possible. Et puis aussi à côté, c'est la Mutimbuzi, il y a aussi une digue. Il faut surveiller. Il faut surveiller aussi également suite à la montée progressive du lac Tanganyika pour que l'eau ne puisse pas venir même de l'ouest et d'autres côtés aussi également. Toutes les différentes institutions devraient mobiliser les techniciens pour voir si ne pourrait pas être inondé. C'était le professeur Bernard Sindayihebura. Certaines dispositions du projet de loi électorale récemment adopté par l'Assemblée nationale se contredisent, constate le président du parti FP Ineza. Pour Francis Rohero, cela traduit l'intention du pouvoir en place d'écarter les partenaires politiques dans les élections. Il donne comme exemple les articles 42 et 43 qui concernent la présence des mandataires sur les bureaux de vote et la signature sur le procès-verbal qui sont obligatoires. Curieusement, leur absence n'invalide pas les résultats. Francis Rohero demande aux dirigeants de cesser de tailler les textes sur leurs mesures. On l'écoute. Je pourrais dire que c'est en quelque sorte une certaine irresponsabilité parce que celui qui prépare les élections, celui qui fait la loi, il devrait s'imaginer que les observateurs, les représentants des partis politiques, ils devraient être là pour confirmer que celui qui a gagné et que ceux qui ont perdu ont effectivement perdu. Ça devrait être un honneur pour celui qui organise ces élections. Alors quand il dit que peuvent ou ne peuvent ne pas être là, ça signifie qu'il n'en a que faire dans un autre sens. Moi, je trouve qu'il devrait imaginer que les choses doivent aller dans le sens de réconforter tout le monde et de prouver qu'une élection a été conformément organisée. C'est comme je venais de le dire, c'est-à-dire que les mandataires politiques devraient être là pour confirmer qu'une élection a été organisée conformément à la loi. Quand le législateur fait fi de ce fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné de ce que peut faire le peuple, et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les partis politiques sont en difficulté. La situation économique au Burundi est assez déplorable. Les gens sont pauvres. C'est-à-dire que pour mandater quelqu'un, vous devez essayer de le prendre en charge. Donc, je crois que ceux qui sont au pouvoir, ils jouent sur cet état de fait parce qu'ils pensent que les partis politiques n'auront pas assez de mandataires et ils voudront essayer de confirmer une élection qu'ils ont faite à leur manière. Alors, je sais la situation qu'on est en train de vivre au Burundi. Et je sais qu'une élection, elle est suffisante pour que les gens puissent en souffrir ou être heureux. Les gens savent bien que dans une élection, on cherche le pouvoir, on cherche la possibilité d'avoir tout ce qu'on veut. Alors, c'est une raison suffisante pour bafouer peut-être les lois ou autre chose. On a constaté à quelques époques qu'il y a des gens qui organisaient des élections à leur manière. Aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir. Ils se mordent le doigt. Que pensent ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? Un jour, ils ne seront plus là. Il faut qu'ils sachent que ce pays appartient au peuple burundais et pas à quelques individus près. Je suppose qu'on est là pour continuer, pour travailler, pour que les choses changent aujourd'hui, demain ou un jour. Captez Isanganilo, écoutez la différence. L'arrêt des travaux de réhabilitation de la route numéro 3 est dû à une incompréhension sur l'interprétation des documents signés entre le groupement Sogea Satom et le gouvernement. Le directeur général de l'agence routière du Burundi explique que cette société devrait présenter une lettre de réception de la route achevée et non l'arrêt des activités. Suivez plutôt les explications de Constantin Vigiliman. C'est un arrêt qui découle d'une situation d'incompréhension. Incompréhension survenue dans l'interprétation des quantités exécutées par rapport aux prévisions. Il y a des documents qui étaient signés et qui stipulent bel et bien le linéaire des travaux à exécuter par ce groupement. Et ce document a été signé conjointement par l'entreprise, donc le groupement et l'administration. Ce document, pour le moment, n'est pas interprété de la même manière par le groupement et l'administration. Ce qui fait traîner les travaux, mais l'interprétation qui est faite par le groupement conduit ce groupement vers la tendance d'arrêter les travaux parce que nous avons une lettre qui a été écrite le 10 avril 2024, laquelle correspondance nous a été transmise en date du 11 et nous l'avons reçue le 11 avril, laquelle correspondance nous demande de suspendre les délais, mais aussi nous informe que l'entreprise va procéder à l'arrêt des travaux et rapatriement du matériel et du personnel en date du 20 avril 2024. Cette correspondance, comme ça a été transmise officiellement, nous sommes en train de préparer un projet de réponse. Cette correspondance nous appelle à procéder à l'arrêt des travaux, ce qui nous a beaucoup surpris et étonnés. Nous, on s'attendait à ce que les travaux contractuels qui sont prévus sur un linéaire bien connu soient exécutés et réceptionnés. On s'attendait à ce qu'on donne des lettres de demande de réception, mais pas de demande de suspension de délai. Alors, comme les travaux ont été financés et une partie, la plus grande partie du montant déjà du marché a été payé, nous, on n'a pas intérêt à ce que les travaux s'arrêtent. Nous voulons les travaux achevés et réceptionnables. Quant aux travaux sur la route numéro 3, le tronçon Rumonge-Nyanzalac, le directeur général de l'ARB indique que des défis restent, comme la montée des eaux du lac Tanganyika qui cause l'éboulement des terrains. On écoute encore une fois le directeur général de l'ARB, Constantin Bigiriman. Les travaux sur le tronçon Rumonge-Nyanzalac ont réellement repris depuis le mois de mars parce qu'il y avait un beau bout de temps où les travaux étaient aux arrêts. Et pour le moment, les problèmes qui étaient là ont été résolus. Les travaux ont bien recommencé et ça évolue malgré les fortes pluies qui, des fois, ralentissent le rythme d'évolution des travaux. Mais aussi, nous avons un problème avec le déplacement des réseaux. Les réseaux de la Régie des eaux et de la société BBS sont pour le moment dans l'emprise de la route et nous sommes dans les procédures de déplacement de ce réseau et je pense bientôt, après la libération effective de l'emprise, les travaux vont effectivement bien avancer. Mais aussi, nous avons un problème avec la remontée du niveau des eaux du lac. Le lac est remonté aujourd'hui, occasionne des éboulements de terrain, lesquels éboulements nous font perdre une partie de l'emprise de la route. Et pour récupérer cette partie qui est emportée par les eaux, il y a des procédés qui sont en cours d'étude, dont l'arrangement ou l'élargissement de la route du côté de la montagne. Ce sont des études qui sont en cours et bientôt, je pense qu'on va se décider sur la meilleure manière de procéder pour faire avancer les travaux. Les travaux avancent, je dirais, bien sur ce tronçon, mais seulement j'ai un message à transmettre à l'égard des propriétaires et utilisateurs de la route. Je dirais que l'état actuel de la route, il y a des fissurations qui sont observables sur cette route qui demandent l'arrêt de l'utilisation de cette route par les véhicules qui sont lourdement chargés, c'est-à-dire les grands véhicules comme les camions, il faudra qu'ils empruntent les autres voies d'accès parce que s'ils continuent, malgré les multiples injonctions qu'on leur a données, s'ils continuent d'utiliser cette voie, il y aura des problèmes, ils peuvent avoir des incidents qui sont, je dirais, non souhaitables. C'était le directeur général de l'agence routière du Burundi, Constantin Bigirimana, dont les propos ont été recueillis par Jean-Marie Mayonga. Certains journalistes burundais s'inquiètent de l'incarcération de notre consoeur journaliste Sandra Muhoza, arrêtée sans respect de la loi. C'est ceux qui se sont exprimés au micro-trottoir de la radio-télévision Isanganiro demandent à la justice d'informer l'opinion nationale et internationale sur les mobiles de son arrestation. Suivez. Nous avons mal accueilli cette mauvaise information que Sandra Muhoza a été arrêtée. Et jusqu'à maintenant, on ne sait où elle est. Donc, c'est très dommage quand un journaliste est appelé par téléphone et porté disparu comme ça. Cela cause un grand problème parce que notre rôle, c'est d'informer la population burundaise et la population internationale ce qui est bien et ce qui est mauvais. Pour que ce qui est bon soit encouragé, pour ce qui est mauvais soit corrigé, pour l'intérêt de la population et l'intérêt international. Nous sommes au proche des élections 2025. Quand on commence à intimider les journalistes pendant cette période, pendant les élections, est-ce que les journalistes vont travailler librement? Est-ce qu'ils vont diffuser des informations correctes et libres? Est-ce qu'il faut faire que toutes les personnes concernées doivent s'impliquer pour que notre conseil soit regagné sa famille? Nous avons entendu par la voix des ondes que la journaliste du journal Aline Renova, Sandra Muhoza, a été arrêtée samedi. Tout à coup, il a été reporté que la journaliste était portée disparue. Mais Dieu merci, nous avons entendu par le biais du porte-parole du ministère de la Sécurité publique que cette journaliste était dans les mains de la police pour question d'enquête. Alors, question d'enquête sur quoi? Jusqu'à aujourd'hui, nous ne saurons pas le mobile de cette arrestation. Nous aimerions que Sandra Muhoza, comme l'a plaidé son directeur, soit libérée, qu'elle soit interrogée étant libre, qu'elle regagne son poste de travail, qu'elle rentre aussi en famille. Nous n'avons pas bien accueilli cette nouvelle qui a par après été alimentée par beaucoup de nouvelles qui ne sont pas bonnes, des rumeurs aussi, comme quoi il aurait été kidnappé ou bien personne ne sait sa source, mais aussi des inquiétudes sur sa santé qui sont fondées même, car jusqu'à maintenant, personne ne sait où est réellement Sandra Muhoza. Même si la police admet qu'elle est dans les mains de la police, bien sûr, c'est une chose inquiétante. Nous demandons à la police de préciser où elle est, mais aussi qu'elle soit jugée dans de bonnes voies. Il faut que le CNC aussi sorte du silence. Si c'est évident. Nous avons mal accueilli la nouvelle liée à l'arrestation justement de notre consoeur Sandra Muhoza. C'est malheureux d'apprendre qu'elle a été appelée par téléphone par quelqu'un qui avait cette habitude de lui fournir l'information, mais un bonjour, il l'appelle, soi-disant qu'il a son programme d'habitude de lui fournir l'information. Et voilà, tout bascule. Sandra est arrêtée dans des circonstances tout à fait floues qu'il faudrait en tout cas corriger. Jusqu'ici, nous ne savons pas les mobiles de son arrestation. Il faudrait que justice soit faite. Le temps qui passe, ça devient de plus en plus long. Il faudrait que le public soit éclairé pour savoir les mobiles qui ont été à l'origine de son arrestation. Parle, rassure-moi. Les informations traumatisantes se basent sur le passé et sont utilisées pour des fins diverses, notamment des perturbations de l'ordre public. Explication d'un expert en communication des institutions, Abel Amber Riazimana, par des informations ayant fait état d'une probable distribution des machettes à la population. Les déplacés du site de Mubanga, en commune Ruhororo de la province Ngozi, affirment en effet avoir déjà entendu de telles informations. L'abbé Lambert Riazimana appelle les professionnels des médias à éclairer l'opinion pour que celle-ci n'ait pas peur. Cette chronique parlera sur moi et signée Mireille Kanyang. Toute personne présente sur les réseaux sociaux ne peut pas être source d'informations fiables. Certaines personnes propagent des informations traumatisantes pour perturber l'ordre public, explique l'abbé Lambert Riazimana, expert en communication des institutions. Il est aussi chargé de l'information et communication au sein du diocèse de Ngozi. Les informations traumatisantes, ce sont ces informations qui sont utilisées à des fins diverses. D'abord, ce sont des informations qui reposent sur une certaine désinformation. Et la désinformation relève de certaines catégories. D'abord, la catégorie de la vérité et du faux. Parce qu'on pense ou bien on fait propager une vérité, mais qui, à vrai dire, est une fausse information. Envie de persuader les auditeurs, mais aussi peut-être envie de perturber. On peut vouloir persuader ceux qui nous écoutent pour qu'ils se rangent de notre côté. Se basant sur des informations partagées sur les réseaux sociaux, faisant état de machettes distribuées, il fait savoir que de telles informations viennent réveiller de vieilles peurs. La récente publication concernant la distribution des machettes, c'est une information traumatisante du moment qu'elle est liée à notre passé douloureux ici au Burundi, au Rwanda voisin. Nous avons connu ce qui s'est passé dans les années 94. C'est une information traumatisante du moment qu'elle réveille les vieux démons et les vieilles peurs du passé. Ça, c'est par exemple une information traumatisante. Les professionnels des médias doivent être attentifs pour pouvoir éclairer l'opinion par rapport à ces informations traumatisantes. Parce que les médias et les professionnels des médias et de la communication peuvent aussi être à la source de ces publications. Cette peur liée à de telles informations est également évoquée par les habitants du site Mubanga en commune Ruhororo de la province Ngozi. Nous avons entendu des nouvelles qui découragent. Dès le début des élections, il y aurait des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes dans la paix, mais quand les élections commencent, c'est la panique totale. Les nouvelles qui découragent ne manquent pas. Vu les situations vécues, les personnes qui sont ici, nous sommes venus des autres coins. Et nous recevons des nouvelles qui nous découragent dans différentes périodes et surtout quand les élections approchent. Nous vivons de la peur, disant que la situation peut s'empirer comme nous l'avons vécu, ce qui nous diminue l'espoir de vivre. Selon toujours l'abbé Riazimana, une information à source unique doit être prise avec pincette. Une information qui est publiée, mais qui n'est pas corroborée par plusieurs sources. Donc une information à source unique ne doit pas toujours être prise comme vraie. Parce que les informations qui sont publiées, qui peuvent faire du bien à la société, ce sont aussi ces informations qui sont reprises et dont on connaît la source principale, mais qui sont commentées aussi par d'autres sources qui peuvent y apporter d'autres angles de considération, d'autres focalisations, comme on dit dans le jargon journalistique. Ferdinand Habimana, conseiller de l'administrateur communal de Ruhororo, chargé des questions administratives, politiques et sociales, réaffirme que les informations traumatisantes provoquent la peur au sein de la population. Abbé Riazimana Lambert appelle à l'esprit de discernement puisque les auteurs de tels messages ne pensent pas aux conséquences néfastes sur la communauté. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.